Dans les couloirs pour localiser le boucan, vous croyez que j'ai que ça fou? Puis j'en ai marre, hey, oh! Ça va pas bientôt finir, non? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le destroy. Bonsoir et bienvenue dans Nuisance Sonore, l'émission qui parle d'actu musical avec une objectivité sans faille et un professionnalisme sans limite. Ce soir, je suis avec Nox. Salut Mickey. Et moi, donc c'est Mickey, et ce soir, on va vous parler des Nuits de Fourvière. Ouais. Tu connais, toi? Ouais, légèrement. C'est vrai qu'on parle souvent de ce festival qui s'appelle les Nuits de Fourvière. Ce festival qu'il est bien. Ah, ce festival, il est très très bien même. Ouais, enfin, tu me diras, je regarde deux, trois noms et bon, je suis moins sûr. Mais bon, avant de passer en mode vieux connard aigri, on va vous un peu vous présenter vite fait Fourvière. Fourvière, c'est quoi? Donc, les Nuits de Fourvière, c'est un festival pluridisciplinaire qui date depuis 1946. Et je dis pluridisciplinaire parce qu'il y a du théâtre, de l'opéra, de la danse, même des arts du cirque. Mmh. Et ce qui nous intéresse un peu plus, des concerts. La spécificité, c'est que ça se déroule dans l'amphithéâtre antique de Fourvière, à Lyon, donc avec une acoustique et un panorama absolument exceptionnel. Depuis 50 ans, c'est devenu un événement incontournable de la ville lyonnaise qui lance en fait l'été complètement, quoi. Je suis complètement d'accord avec ça. Et ça, du coup, ça se passe sous forme de soirées-concerts, théâtre, etc., sur le mois de juin et de juillet. On va commencer rapidement en donnant 2-3 noms de l'affiche, les plus gros noms. Donc on a Les Insus, du coup le groupe de reprise de Téléphone, c'est ça? Voilà, c'est ça. On pourrait dire Téléphone, mais il n'y a pas la bassiste, donc... Non. Pas la bassiste, c'est pas Téléphone. C'est pas pareil. Donc Arcade Fire, ouais, okay. Voilà. M, Julien Doré, Vianney, oui, il y a aussi Nora Jones. Hein. Oui, aussi. Nora Jones. Bon, de toute façon, on pourrait vous parler un peu plus de tous ces noms-là, sauf que les concerts sont complets, donc c'est même pas la peine. Sauf si vous aimez dépenser plein d'argent au marché noir. Exactement. Hein. Voilà. Mais c'est pas le but. Voilà, donc on va un peu vous parler du côté un peu plus caché des Nuits de Fourvière, c'est-à-dire au moins les premières parties auxquelles personne ne pense vraiment, mais auxquelles nous on a accroché. Ouais. Nox, est-ce qu'il y a quelques artistes un peu moins connus qui t'ont tapé dans l'oreille? Si on écarte les gros noms et tout, il y a quand même des groupes derrière qui sont vraiment bien. On va commencer avec Falls, par exemple. Oui. Ils font leur retour à Lyon. Je crois que c'était l'année dernière, il me semble, qu'ils étaient de passage dans une salle. Oui, fin d'année dernière. Oui. Donc, tu vois, ouais. Ouais. Et donc, ils font encore leur retour. Donc, je pense que Falls, ça doit être un truc super sympa à voir à Fourvière. And I know. C'est sympa à Fourvière, mais dans ces conditions, Falls, ça doit être super sympa. Oui, c'est juste un peu, c'est quoi Falls? Alors Falls, c'est le groupe de style que j'adore, que j'avais parlé dans la première émission, qui font du mafrock. C'est très bien, du coup. Ouais, non, Falls, c'est quand même super bien, puis leurs derniers albums sont vraiment bien, je trouve. Pour moi, ils sont un peu écartés du côté mafrock, ils sont un côté un peu plus rock qui ressort, et c'est vraiment cool. Puis bon, ils ont tellement de bons morceaux dispatchés entre chaque album qu'il y a de quoi s'amuser, quoi. Je t'avouerais que j'ai surtout écouté Antidote à mort, mais les autres, je ne les ai pas trop écoutés, mais je sais que par réputation, c'est un groupe de live assez accompli. Donc effectivement, moi aussi, ça m'attire bien. Moi, Antidote, c'est le seul album que j'aime pas du tout de Falls, en fait. C'est normal, on s'aime pas. Hein. C'est normal, tu n'as aucun goût. Donc, vu que tu n'as aucun goût, qu'est-ce que tu retiens d'autre? En fait, il y avait aussi la première partie qui est Puma Rossa, oui, qui est assez sympathique à écouter, je trouve aussi. Mm-hmm. Donc, je pense qu'en live, ça va aussi bien donner. Enfin, voilà, c'est une belle affiche, les deux groupes, quoi. Ta première partie qui est sympa, le groupe d'après qui est sympa. On t'en met un petit bout? Ouais, carrément. Maybe this could be the right time to shake it loose like like a dragonfly, slide out of my mind. If you do too. Tu retiens d'autres après faut... Ah, je retiens quand même aussi les La Nuit de la Soule, qui est ce qui a été mon premier coup de cœur, puisque on parlera plus longuement plus tard de la première partie Valérie June, mais il y a aussi Michael Kiwanuka, si je le prononce bien. Joli. T'as vu, je suis entraîné, je me suis entraîné. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days. I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. Et Joe Phelps, je crois, ou un truc comme ça. Joe Phelps, non, c'est Lee Fields. Ah, Lee Fields. Ouais. Joe Phelps, tu t'es cru dans Mission Impossible. C'est Lee Fields. Voilà. Voilà, le mec qui ressemble vachement à James Brown. Ouais, c'est clair, il ressemble vachement. Au enfin, niveau musique, c'est quand même pas James Brown, mais... Rien à voir, je parlais juste du ouais, c'est clair. You were here smiling. Now you're gone away. But I know you're in a better place. No traces of you. What can I do? Alone and confused. Non, ouais, la nuit de la soul, ça a l'air. Cette année, ça va vraiment donner. J'ai déjà pris ma place, perso, parce que je sais que ça c'est va bien. Donner. Ben, je rebondis par rapport aux nuits de la soul, parce que le nom qui m'avait le plus tapé, bizarrement, c'est ni Lee Fields ni Michael Kiwanuka, mais c'était Valérie June que j'avais découvert il y a quelques années. C'est une femme qui fait dans le folk blues très épurée, limite ultra minimaliste, juste guitare voix, avec une voix certes particulière, mais vraiment qui te hante quoi. Elle est juste, les morceaux que j'ai entendus d'elle où elle est juste seule, c'est vraiment vraiment bien. Et je me dis qu'en plus dans le cadre du festival du théâtre de Fourvière, ça va être vraiment magnifique à voir quoi. Je te dirais. Eh ben ouais. The day will come when you're ready. Just trust. Dancing on the ash to plain. Holy water cleansing rain. Floating through the stratosphere. Drown me in your sea so. Alors moi, en petit concert, je m'étonne que tu n'aies pas parlé de Royal Blood. Ouais, j'allais revenir après. Que c'est un groupe de rock anglais qui est plus sur le côté puissance en fait. Ouais, carrément. Le fait qu'il y ait basse, batterie, ça ouais, va voilà, du lourd. Voilà, voilà, basse, batterie, et puis avec les accords de puissance, et on envoie du bois, et c'est voilà. Rapprocher d'autres choses, on peut dire peut-être Muse, peut-être Kasabian, donc des groupes de rock qui misent, enfin toujours avec le côté mélodique pop, mais qui misent quand même sur les grosses guitares. Quoi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'il y a le côté mélodique chez Royal Blood qui est vachement présent. En plus, ils sortent un nouvel album là bientôt, je pense que c'est pour ça qu'ils sont chez Fourvière. Mais c'est vrai qu'en plus, c'était quand même une belle surprise, quoi. Moi, je trouve que c'est une belle surprise de voir Royal Blood à une Fourvière, quoi. Yeah. en plus la première partie, The Limilanas. Alors c'est quoi, tiens, The Limilanas, c'est un groupe de folklore espagnol, genre Chiqui et les Gypsy Kings. Ouais, c'est clair, c'est des Français de Perpignan. Super cool, puis voilà, encore, c'est encore une belle affiche avec deux groupes super sympas à voir en live et les prix sont tout à fait corrects pour ce que vous allez voir, quoi. Ouais, donc c'est, oui, franchement, je recommande. Je propose que du coup, comme tu parles des Limilianas, qu'on enchaîne sur les premières parties. Oui, tout à fait, ouais. Vous maintenant, on va essayer de faire nos recommandations spéciales Nuit de Fourvière. Nuisance Sonore vous recommande d'aller à des concerts auxquels vous pouvez vraiment aller parce qu'il reste des places. Exactement. Donc en premier, j'ai envie de vous recommander la nuit Reggae Calypso qui aura lieu le 14 juillet. Dans cette nuit Reggae Calypso, il y aura du coup trois artistes. En tout premier, il y aura Calypso Rose. Calypso Rose, en fait, qui est en fait, une artiste solo, une dame qui doit aller sur les 60 ans à peu près, et qui fait une sorte de rumba africaine. Everywhere. The one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off me head. Them foolish and petty. C'est marrant parce que c'est du coup autant le mélange de cette musique qui est dans l'esprit plutôt très sud-américaine, ouais, mais avec un côté avec voilà, une rythmique et un côté très dansant africain qui me plaît pas mal et qui me rappelle pas mal ce que j'avais aimé avec Cesaria Evora à l'époque. C'est bien pour commencer la soirée. Juste après, on a Ina de Yard. Ina de Yard, c'est pas compliqué. Vous voyez Buena Vista Social Club. Et au lieu que ce soit des Cubains, ce sont des Jamaïcains et qui font du reggae et c'est super. You never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. You never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. So let the teardrops fall for what you have done. Plus le principe, c'est qu'à chaque fois, pour l'album qui sont sortis récemment, ah oui, c'est du reggae aussi un peu acoustique. Alors non, quand je dis reggae acoustique, je ne parle pas de trio. Hein. Je parle pas de vrai reggae. Hein. J'ai pensé la même. Je parle de vrai reggae avec des vrais instruments et tout, et pas des petits blancs qui font croire qu'ils sont altermondialistes. Hein. Ouais, Ina de Yard, ce qui est bien, c'est que leur album, comme en fait, il n'y a pas de chanteur dans leur formation. D'accord. Du coup, à chaque fois, en fait, ça va être un MC différent, enfin, un mec différent à chaque fois qui va poser sur les sons, et c'est vraiment, vraiment super bien d'avoir vu quelques vidéos de concert. Ouais. Franchement, ça a l'air vraiment sympa. C'est juste la date qui m'embête, parce que c'est le 14 juillet, donc je suis pas sûr vraiment d'être là, mais, enfin, à vérifier, mais si c'est encore le cas, moi, j'y serai, carrément. Ah, c'est vrai que ouais, non, mais moi, Sou, qui suis pas un fan de reggae, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce groupe et tout, ça, j'ai vraiment bien aimé écouter. Ouais. Je me suis dit, putain, peut-être que Mickey a raison, peut-être que cette année, Fourvière, le reggae, ça peut le faire. Bah ouais. Colonia slave master came and still over culture. The name carry I and I all over the world. In a them shackles and them chains. I and I have survived still. Black to my roots. Black to my roots. Qui aiment bien un peu le son de soirée, il y a Brain Damage qui est un groupe de dub lyonnais, ouais, qui est assez bon et qui est comme assez bon. Je dis assez bon parce que pour moi ils sont, enfin, High Tone c'est au-dessus, ouais, largement au-dessus, et Brain Damage c'est déjà bien. We'll be right back. Et toi, il y avait une soirée en particulier? Bah, il y a Benjamin Biolay avec la femme. Ah, effectivement. Alors oui. C'est ça, c'est la surprise. Je suis curieux de te voir défendre ça. Parce que c'est pas en général, c'est pas vraiment ton style. Ce n'est pas du tout mon style, mais je me dis, bon, pas parce que j'aime pas que les gens n'aimeront forcément pas, mais ouais. Voilà, pour ceux qui aiment, bon, c'est comme une belle affiche, quoi. Je veux dire, Benjamin Biolay, je connais pas, c'est pas ma cam. Je me souviens de leurs amants, cette tête de con, cette tête de gland. Il y a trois quarts d'heure, j'avais 30 ans, le QI d'un orang-outan. Je me rappelle de pas grand-chose, un coin de ciel qui vire au mauve. J'étais déjà bien peu de choses, comme bien des rebelles sans cause. La femme, c'est la femme, quoi. La femme, on vous en a déjà beaucoup parlé. Même un peu trop. Non, mais moi, Biolay, honnêtement, c'est la voix qui me révulse, c'est le côté... mais j'ai l'impression qu'il se fait chier quand il chante, et du coup, ça me transporte pas vraiment, quoi. Il y a un autre truc aussi qui est pas mal, c'est Paolo Conte. Oui. Que vous connaissez sûrement... Via, via. Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio. C'est un peu l'histoire de la musique. Hein, c'est du jazz italien. Ouais, c'est un peu de jazz, ouais. Mm-hmm. Mais enfin voilà, si vous êtes fan du style, ça peut vous plaire. Je crois même sans être fan, parce que enfin, je parle la chanson super connue de Paolo Conte. Je pense que t'as pas besoin d'être fan de jazz ou d'un style en particulier pour l'apprécier. Non, parce que de toute façon, c'est un truc qui te rentre dans la tête et voilà. Ouais. Et je pense qu'il y a le côté super chill, super cozy. T'es tranquillou et je pense que c'est bien. Il y a un peu ça du coup avec Calypso Rose dont je parlais tout à l'heure, le côté t'es tranquillou. T'es tranquille, t'es posé. Je pense que t'apprécies. Je voulais parler de Goran Bregovic. Ouais. Bon, déjà, je vais en parler. Parce que j'ai une petite pensée pour notre collègue Eric, hein, parce que lui il aurait recommandé ça tout de suite. C'est bien son genre. Il aurait pu manger des bretzels plutôt que venir avec nous. Salaud. Traître. On s'en fout, de toute façon on ira, on te chopera. Ouais, si on doit aller en Allemagne, on ira. Même si on doit y aller. Du coup, oui, Goran Bregovic, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est... le compositeur de la plupart des bandes originales de films de Kusturica, notamment Arizona Dream. Et si vous n'avez pas vu de film de Kusturica, on va dire que c'est une sorte de folklore slave. Ouais, très typé, avec une tendance assez rock au final. Il sera dans une formation un peu particulière, vu qu'il sera accompagné de l'Orchestre National de Lyon, mais en gros avec une soixantaine d'instruments derrière. Donc voilà, et c'est vrai que le côté folklore slave, c'est plutôt des formations assez regroupées autour de 6-10 personnes à tout casser. Ouais. Là, je me demande ce que ça peut donner, donc ça peut être quelque chose d'assez marrant à voir. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Ah bah oui, j'ai oublié d'en parler, mais il y a Benjamin Clémentine aussi qui sera là. Ah, c'est vrai que t'aimes bien. Ah, c'est Benjamin Clémentine, en fait, c'est très déprimant, hein. Franchement, prenez votre corde. Hein. Voilà, alors c'est pour ça que moi, j'ai jamais accroché, parce que moi, il faut un peu que ça y ait du peps, quoi. Ouais, la joie de vivre, c'est pas pour Benjamin Clémentine, mais... Non. Mais le gars, juste avec un piano, voilà, il est monstrueux, le gars. As the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me by the line. D'ailleurs, il a gagné le Mercury Prize l'année dernière, il me semble, donc c'est comme un sacré prix. Mmh. C'est... Si vous aimez les musiques calmes et suicidaires, si vous êtes fan de Portishead, en clair. vous pouvez, mais... C'est mal. C'est vrai. Alors moi, je suis pas fan de Portishead. J'aime bien Portishead et même moi, Clémentine, je le trouve chiant, quoi. J'ai envie de me pendre. C'est vrai. Et enfin, pour moi, le concert de Brian Wilson. Ouais. Brian Wilson, donc c'est l'ancien leader des Beach Boys. Ouais. Et pour cette tournée-là, il va réinterpréter l'intégralité de l'album Pet Sound. Interpréter l'intégralité de l'album Pet Sound, qui est un album emblématique du groupe et assez particulier, vu que je vous laisse regarder un peu l'histoire de l'album qui est assez marrante, vu que en gros sa maison de disques lui a dit franchement on n'y croit pas à tes trucs, fais-le de ton côté, mais franchement on n'y croit pas, nous on aimerait bien que tu nous fasses Beach Boys Surfing USA comme tu sais faire, quoi. Et lui il a fait un truc complètement différent et honnêtement il a posé les jalons pour la musique pop rock des 30 années après, sachant que l'album date de 66. Et c'est curieux de voir ça. Ce qui est assez marrant, c'est jusqu'à très récemment, moi j'étais assez hermétique Beach Boys parce que je connaissais que le côté Surfing USA et les trucs de pleuve. Je m'en fous, quoi. Et du coup, c'est mon pote Rafik qui m'a fait écouter du coup le Pet Sound et c'est vraiment cool. Peut-être que j'irai faire un tour. Au cas où, c'est le 17 juillet. Ouais. Et par contre, il me semble que ça coûtait un peu cher. 50 euros. Ouais, il me semble. Il est vieux le Brian, donc du coup. Donc, c'est pas étonnant que ce soit. Pour le coup, c'est pas étonnant que ce soit pas encore complet. Ouais. Mais c'est très étonnant d'ailleurs que ce soit pas complet. Moi, ça m'a vraiment. 50 boules, je me dis, ça commence à faire mal. Hein. Ouais. En même temps, Arcade Fire complet, on a 60 boules. Le truc, c'est Arcade Fire, ils vont sortir un album dans pas très longtemps. Ouais. Le Pet Sound, la tournée Pet Sound, je pense que les gros fans de Beach Boys et de Brian Wilson en particulier ont déjà vu cette tournée parce que c'est pas la première fois en fait qu'il fait la réinterprétation de Pet Sound, donc c'est peut-être lié à ça, quoi. Non, c'est sûr, mais aussi il faut aussi noter qu'il est pas tout seul, Brian Wilson, il y a d'autres anciens membres des Beach Boys qui sont avec lui aussi. Ah oui, ouais, il y a deux anciens membres des Beach Boys qui vont jouer avec lui. Et il ne va pas jouer que Pet Sounds durant ce concert, il va aussi jouer les succès du groupe, donc Good Vibration, Surfing USA. Ouais. Donc prenez vos shorts et vos chemises à fleurs. Ça peut être pas mal. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Du coup, voilà, c'était un peu la vision de Nuisance Sonore pour les Huttes Fourvières. Du coup, on vous recommande au moins d'aller jeter un œil à la programmation, voir, et puis de toute façon, restez curieux parce que c'est toujours un coin sympa à aller. Et même si vous n'êtes pas de Lyon, franchement, ça se fait bien. Ouais, c'est clair. Ok, en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous en parler un petit peu. Allez, on se retrouve pour une prochaine de Nuisance Sonore. Salut, à bientôt.